Livre 6, poème 10, éclaircie. C'est avec ce poème, également composé dans l'exil de Jersey, que je terminerai la lecture des poèmes extraits des contemplations. L'océan resplendit sous sa vaste nuée. L'onde, de son combat sans fin exténuée, s'assoupit, et laissant l'écueil se reposer, fait de toute la rive un immense baiser. On dirait qu'en tout lieu, en même temps, la vie dissout le mal, le deuil, l'hiver, la nuit, l'envie, et que le mort, couché, dit au vivant, debout, aime, et qu'une âme obscure, épanouie en tout, avance doucement sa bouche vers nos lèvres. L'être, éteignant dans l'ombre et l'extase ses fièvres, ouvrant ses flancs, ses seins, ses yeux, ses cœurs épars, dans ses ports profonds, reçoit de toutes parts la pénétration de la sève sacrée. La grande paix d'en haut vient comme une marée. Le brin d'herbe palpite aux fentes du pavé, et l'âme a chaud. On sent que le nid est couvé. L'infini semble plein d'un frisson de feuillet. On croit être à cette heure où la terre éveillée entend le bruit que fait l'ouverture du jour, le premier pas du vent, du travail, de l'amour, de l'homme, et le verrou de la porte sonore, et le hennissement du blanc cheval aurore. Le moineau, d'un coup d'aile, ainsi qu'un fol esprit, vient taquiner le flot monstrueux qui sourit. L'air joue avec la mouche, et l'écume avec l'aigle. Le grave laboureur fait ses sillons et règle la page où s'écrira le poème des blés. Des pêcheurs sont là-bas, sous un pampre, attablé. L'horizon semble un rêve éblouissant où nagent les cailles de la mer, la plume du nuage, car l'océan est hydre et le nuage oiseau. Une lueur, rayon vague, part du berceau qu'une femme balance au seuil d'une chaumière, dore les champs, les fleurs, l'onde, et devient lumière en touchant un tombeau qui dort près du clocher. Le jour plonge au plus noir du gouffre et va chercher l'ombre et la baise au front sous l'eau sombre et hagarde. Tout est doux, calme, heureux, apaisé. Dieu regarde.